Bonjour à tous, bonjour Pinod, bonjour les gens qui nous écoutent en radio, en vrai de vrai, la DAB+. On l'écoute à Paris, on l'écoute à Mulhouse. Et bienvenue en ligne ou par tout autre format que ce soit. Encore une fois, je suis très heureux de vous retrouver et puis très heureux de camper là aujourd'hui un vrai disque de jazz. Et ce vrai disque de jazz, il est d'autant plus intéressant que ce n'est pas un vrai disque de jazz. Oui, je sais, je fais exprès. C'est un disque de jazz pour les gens qui n'aiment pas le jazz. Et c'est aussi un disque de jazz pour les gens qui l'aiment, fort heureusement. Et c'est l'occasion pour nous de camper une personnalité fabuleuse. Et je crois trop souvent un peu mise dans l'ombre, alors qu'il ne faudrait surtout pas. Il s'agit de Don Cherry. Don Cherry, trompettiste, entre autres. Mais on va en parler essentiellement comme d'un trompettiste. Et le disque qu'on va observer aujourd'hui et écouter sur ces 40 minutes, c'est l'album Brown Rice, qui sort en 1975. C'est un album fabuleux, absolument charnière, et un album qui est à la croisée d'énormément de musique, mais pas tant finalement énormément de musique, qu'énormément d'expériences, qu'énormément de sensations. À ce titre-là, 1975 va s'imposer comme une année charnière pour Don Cherry, parce que c'est peut-être le moment où il va commencer à s'affranchir de ses maîtres. Parce que Don Cherry est effectivement un sideman d'exception, et finalement, dans ses biographies, on le montre un peu trop comme un sideman. Il suffit de lire la fiche Wikipédia qui lui est consacrée, que ce soit en anglais ou en français, pour voir la pauvreté de l'information qui est donnée. Alors, non pas qu'elle soit fausse, évidemment, hein, mais il y a des pans entiers de la carrière de Don Cherry qui sont finalement ignorés, et de fait, des clés d'explication qui méritent d'être un petit peu soulignées aujourd'hui, et c'est ce à quoi on va s'employer. Bien avant Brown Rice, et ce... à la stricte fin des années 50, Don Cherry est de la partie de la plus grande révolution musicale qui ait connue le jazz, mais on pourrait très, très bien dire que c'est la plus grande révolution musicale tout court qui ait baigné le XXe siècle et la deuxième moitié du XXe siècle, et cela de toutes les musiques confondues. Il s'agit du free jazz. Et le free jazz, c'est l'invention quasi brevetée. Je mets des guillemets sur le mot brevet, mais elle est quasi brevetée par Ornette Coleman sur le disque éponyme du même nom, Free Jazz. Album fabuleux qui paraît en 1961. Et les premiers pas d'Ornette Coleman sont déjà extrêmement marqués et sont déjà free avant que le mot soit inventé, hein, en tout cas par lui-même, en 1958. Il faut revenir sur la radicalité qui est ce disque Free Jazz. En guise d'album, deux quartets. Le quartet d'Ornette Coleman, quartet dans lequel s'exprime donc Charlie Adams à la basse, Billy Higgins à la batterie et Don Cherry à la trompette. Le tout mené par ce saxophoniste de légende, Ornette Coleman. Deuxième quartet qui, lui, s'entend sur le canal droit de l'enregistrement, c'est le quartet d'Eric Dolphy. Donc, Free Jazz est un album entier en cacophonie apparemment non maîtrisée, en total roue libre de deux quartets qui jouent, parfois en arythmie complète, l'un à gauche du casque ou du canal où vous l'écoutez, l'autre à droite. Une fois ça campé, difficile d'imaginer quelque chose de plus radical que ça, même dans les musiques électroniques les plus bizarres, les plus tortues et les super noise. L'équivalent d'un Metal Machine Music de Lou Reed qui sortira 15 ans plus tard. Et qui lui aussi reposait sur une dichotomie de perception d'un signal à droite comme à gauche. Voilà, alors si j'insiste sur ce disque absolument tutélaire, et pour lequel... Bah, Don Cherry est effectivement un sideman, un accompagnateur de luxe, au même titre que Charlie Haden et Billy Higgins, c'est qu'effectivement, ces gars ne sont pas juste les adjudants d'un démiurge aussi fort soit-il, impressionnant soit-il, que Ornette Coleman. Et c'est amusant d'ailleurs de voir que c'est ce même trio qui va être toujours à la, qui va toujours servir de base rythmique à l'album qui nous préoccupe aujourd'hui. Donc qui va sortir quasiment 15 ans après les débuts du free jazz et les débuts d'Ornette Coleman que je cite là. Don Cherry est clairement un musicien libre, inspiré. Il va croiser un deuxième maître, très différent d'Ornette Coleman, et en même temps, il lui est associé, puisqu'il est, il est le deuxième apôtre du free, si vous voulez. Et lui, c'est... ben voilà que son nom m'échappe, dis donc. Oh, le trou. Albert Heller. Voilà. Ça ne venait pas. Enfin... Voilà, et Albert Heller, autant le dogme free, si dogmia, c'est effectivement par un démiurge, je répète le mot, tel qu'Ornette Coleman, autant avec Albert Heller, c'est une espèce d'énorme folie spirituelle, totalement incandescente, et encore extrêmement secondée par Don Cherry. Don Cherry va très tôt. Et justement, grâce aux tournées qui vont être faites de par le monde, mais finalement principalement en Europe, connaître l'Europe, la France, l'Europe du Nord, l'Allemagne. Et là, il faut se replonger dans une époque qui est assez fabuleuse finalement. C'est celle de cette toute fin des années 50 et des années 60, où on le sait bien, des musiciens de jazz, surtout quand ils sont... dérangeants, ils n'ont pas peur de le dire, hein, comme peut l'être Ornette Coleman, mais c'est valable pour plein d'autres, trouvent une vraie terre d'accueil en France, ou en Suède, ou en Allemagne, je le répète, et surtout trouvent réponse, quoi, trouvent une validité artistique et intellectuelle à laquelle ils n'ont pas droit chez eux. Parce que chez eux, ce sont des musiciens noirs, sans le sou ou presque, et qui jouent pour des cachets ridicules, et dont en plus les aspirations de libération, parce qu'effectivement, le free jazz, c'est pas juste un style, c'est loin d'être une esthétique. C'est un cri, c'est une demande, c'est lié à l'émancipation des droits civiques des noirs américains. Et croyez-moi qu'à la fin des années 50, c'est pas gagné, on le sait bien. Donc tout ça participe effectivement d'une révolte qui est dans l'air et qui gronde. Vous croyez que c'est bien vu aux États-Unis, hein ? Pas plus à l'époque que ça le serait aujourd'hui, vous vous en doutez bien. Alors évidemment, en France, terreau des existentialistes, terre d'accueil des poètes beatniks qui ont déjà squatté le Beat Hotel à Saint-Germain-des-Prés, ces musiciens sont accueillis à bras ouverts et reconnus à leur juste valeur. Donc beaucoup vont rester là, pas juste faire une tournée et reprendre le bus le lendemain. Et ce sera exactement le cas de musiciens comme Don Cherry, et spécialement justement Don Cherry. Du coup, quelqu'un comme Don Cherry va laisser des émotions durables à un public parisien, et qui assez trop hein, va embrasser le truc. J'ai recueilli un témoignage très touchant de Jacqueline Coe. Jacqueline Coe, c'est une femme, c'est l'épouse de Daniel Coe et les époux Coe, dans les années 60, plus encore dans les années 70, et ils continueront d'ailleurs par la suite, sont des passeurs extraordinaires de la musique free en Europe et spécialement en France. Alors, musique free et pas seulement, hein, d'ailleurs. Hein, Daniel Coe va être le programmateur, va programmer pour la première fois un concert de Sun Ra en France. Même chose pour Albert Haller. Et on doit aussi à Daniel Coe et aux époux Coe cette passerelle essentielle dont ont bénéficié les premiers minimalistes, Lamonte Young, Steve Reich, Thierry Riley, en Europe, à l'aube des années 70. Et plus encore après. Alors ceci mérite d'être signalé, et Jacqueline Coe, en 1967, elle est témoin d'un concert au Chat qui pêche. Le Chat qui pêche, c'est un de ces clubs jazz hein, très en vogue du quartier latin. Jacqueline, en 1967, elle est toute mimi, elle n'est pas majeure. Normalement, elle n'a même pas l'âge d'aller dans les clubs, parce qu'il fallait quand même avoir normalement 21 ou 18 ans, elle n'en avait pas même 17, me confiait-elle. Mais surtout, elle me raconte cette scène, qui situe donc au Chat qui pêche. Probablement en 1967, même si elle a du mal à dater exactement le truc. La cave était petite, la scène étroite et les tables minuscules, mais on disposait pourtant des bougies au milieu des verres. C'est à leur lumière vacillante qui faisait trembler les denses volutes de la fumée des cigarettes que je vis arriver des musiciens. L'ambiance était magique. C'était ma première soirée dans un club de jazz, et cette soirée fut pour moi mémorable. Je fus ébloui par le jeu très organique de Don Cherry et par l'extrême liberté de ses propositions musicales. Étant placé à bout, touchant de l'un des coins de la scène, je me souviens très bien du ressenti physique que me procura cette musique. J'avais l'impression, et de fait ce n'était pas qu'une impression, que mes organes étaient littéralement bousculés par les fréquences de la batterie. J'exultais, j'étais en transe. Jacqueline Coe, et qui nous témoigne de son expérience de 1967. Exactement comme un rave kid pourrait embrasser la techno à la tout début des années 90 et exulter pareillement. Voilà. Et d'ailleurs, ce n'est pas du tout un hasard que Jacqueline Coe soit aujourd'hui très proche des musiciens techno. Il y a une filmographie assez conséquente autour des musiciens de Détroit, notamment qu'on doit à Jacqueline Coe. Donc je trouve très intéressant de souligner ici, ce n'est pas juste anecdotique, qu'effectivement, cet état de transe, il passe finalement d'une musique à une autre, mais il est fondamentalement le même. Et on ne peut s'empêcher de souligner qu'au même titre que les musiciens de jazz ont pu être accueillis à bras ouverts, mais finalement dans une élite de Saint-Germain, instruite, très, très, très cultivée, et puis qui est relativement débarrassée de tous les poncifs racistes, etc., qui pouvaient exister plutôt de l'autre côté de l'Atlantique, en tout cas à cette époque-là, vont être... Le pendant premier de ce qui va se passer aussi au tout début des années 90, quand les musiciens techno, notamment ceux de Détroit, vont trouver une forme d'asile artistique, voire intellectuel, en Europe, chose qu'ils n'auront pas dans leur propre pays, là aussi, au même moment. Donc, ce parallèle étant souligné, on va peut-être pouvoir rentrer d'autant plus facilement dans l'album qui nous intéresse aujourd'hui. J'ai volontairement mis en avant une proto-carrière de Don Cherry. Et finalement, ces musiciens de jazz, c'est pas Don Cherry seulement d'ailleurs qui se concernait, auront plusieurs vies. C'est spécialement le cas, et effectivement, du trompettiste et cornettiste Don Cherry. Il va multiplier ses expériences et du coup multiplier son instrumentarium, souvent au gré de balades internationales et de vie qu'il va avoir à certains moments donnés, et de rencontres très très fortes. À partir des années 60, et plus encore dès 1969, alors en 1967, il y a une date un peu butoir et un écœurement quasiment définitif de Don Cherry face au gouvernement Nixon qui commence à bombarder le Cambodge. Et Don Cherry décide de quitter... et là, pas seulement pour quelques mois, mais pour quelques années, les États-Unis. Il reviendra, en fait, en 1975, au moment où ce disque sera enregistré. Mais dès lors, les ports d'attache de Don Cherry vont changer. Et il va notamment rencontrer en Suède sa femme, son épouse, Moki Cherry. Voilà, avec qui il aura un enfant. C'est Eagle Eye Cherry. Alors la généalogie de Don Cherry est très intéressante parce qu'ils sont tous artistes. Néné Cherry, alors Néné Cherry c'est la belle-fille de Don Cherry, c'est-à-dire qu'elle est l'enfant d'une première union de Moki Cherry, cette artiste suédoise donc, qui rencontrera à Stockholm et qui l'épouse. C'est l'enfant d'une union avec un musicien, alors là son nom m'échappe, mais c'était un artiste musicien d'origine ouest-africaine, probablement de Sierra Leone. Ouais. De Sierra Leone. Mais le père géniteur de Néné Cherry, elle le voit à peine, et puis donc Néné Cherry va grandir finalement avec son beau-papa qui va l'élever. Voilà un petit peu pour l'histoire de la généalogie des Cherry, parce qu'ils comptent, ils sont là, évidemment. Moki Cherry, elle a de l'importance dans le disque dont je vais parler, mais je vais justement y revenir après. La femme a toujours de l'importance. Et bien sûr, une importance qui n'est jamais considérée comme elle se doit de l'être. Donc, j'ai aussi me permettre d'y revenir. Mais avant ça, en stipulant cet état de transit quasi permanent qu'ont pu vivre des musiciens de jazz, et spécialement Don Cherry, je pense à Paris, justement, avant son installation en Suède, va favoriser des croisements, des métissages dont le jazz a besoin à ce moment-là. Et il y a toute une génération de musiciens français qui vont être biberonnés par ces musiciens-là. Alors, je dis « c'est » parce que, après, il n'y a pas que Don Cherry. Il y a Archie Shepp qui va s'installer à Paris. Il y a Sonny Murray. Sonny Murray, c'est le batteur qui, avec Don Cherry, va accompagner Albert Heller. Voilà, juste ces exemples-là, mais on pourra en trouver d'autres. Et comme ces musiciens, supposément, en s'installant dans la capitale, vont prendre le boulot de musiciens français, alors écoutez bien ce que je veux dire, parce que c'est relativement aberrant, mais c'est très juste. Il y a un syndicat, enfin le syndicat des musiciens en France, qui va imposer une loi quasi scélérate, qui est en fait une loi expurgée de vieux règlements qui était en vogue dans les cafés-concerts des années 30. Et cette loi stipulait pour un musicien étranger engagé, 10 musiciens français devaient être engagés. Alors, en imaginant qu'une telle loi fasse validité et donc fasse loi dans les années 30, dans des cabarets fermés, etc., en quoi, dans le cadre de tournées, finalement, qui peuvent être internationales, et surtout, comment on va tenter probablement de saboter l'installation de musiciens qui sont un petit peu... Ces musiciens-là, c'est je faisais le parallèle avec les poètes beatniks, Ginsberg, Gregory Corso, Burroughs en tête, qui vont, entre guillemets, squatter pour presque pas un rond le Beat Hotel à la fin des années 50. Effectivement, on retrouve quelque chose de pas tout à fait différent avec ces musiciens de jazz-là. Donc, cette loi purement scélérate et forcément protectionniste va mettre du bâton dans les roues de ces musiciens-là. Mais elle va aussi les forcer à travailler avec d'autres gens du coin. Alors ces gens du coin, c'est des musiciens français qui vont faire date. Aldo Romano, Jeff Jenny Clark, alors il convolera avec Magma, Henri Texier à la contrebasse. Donc tous les grands musiciens très ouverts, made in France, vont avoir la chance de travailler de très près avec... ces exilés permanents, ces clochards célestes du jazz du free jazz, voire du post-free. Voilà donc qui nous amène dans l'année 70, les années 70 où ça se passe. Néanmoins, il y a probablement la loi dont je parle, dont j'arrive pas à trouver le nom, d'ailleurs c'est très dur d'avoir une documentation sur ça, mais croyez-moi, ça a vraiment existé, va du coup quand même mettre les musiciens plutôt au dehors qu'au dedans de Paris. Fort dommage. Et notamment à Stockholm. Et pour la petite histoire, et ça en dit long, le plus célèbre club de jazz de Stockholm s'appelle le club Montmartre. Ça dit quelque chose, non ? Voilà, le club Montmartre à Stockholm et non pas à Paris. Enregistrement absolument fabuleux hein, de grands artistes qui ont passé là, Ornette Coleman notamment, Thelonious Monk, voilà, et Don Cherry, il y avait place. Parce qu'à un moment, effectivement, il y a cet exil hors de France qui fait que, hélas, une installation durable de musiciens et de talents forts comme ceux qu'on exprime aujourd'hui aurait pu se faire et probablement changer mieux encore la face du monde et la face de la musique en France. Voilà. Comment le pays le plus ouvert du monde peut faire preuve comme ça d'une espèce de réaction protectionniste outrancière et du coup casser le château qu'elle a construit ? C'est une vraie question. Pour la réponse, je vous laisse y réfléchir. Moi, je ne l'ai pas. Et c'est une question qui est toujours valable aujourd'hui sur pas mal de pratiques artistiques. Alors dans tout ça, retour à New York. Retour à New York, justement, en 1975. Où Brown Rice va être enregistré. Et Brown Rice, vous allez le voir, c'est la conjonction de tout ce que je nomme là, mais aussi de plein d'autres rencontres. On trouve dans ce disque-là des influences afro-caribéennes, latines évidemment, sud-africaines, scandinaves et nordiques pour le peu évidemment, et aussi du Moyen-Orient, de l'Inde, sans oublier bien sûr l'essence même de ce qui fait la culture américaine à ce moment-là, un rhythm and blues, le jazz, première vraie musique d'essence et d'expression strictement américaine, évidemment, évidemment. Il se trouve que Don Cherry a eu la chance d'étudier la musique, hein, avec notamment le Pandit Pranath. Voilà, quelque chose que vous ne trouverez pas dans les biographies officielles et surtout pas sur Wikipédia concernant Don Cherry. Le Pandit Pranath, c'est le maître de chant qui forme la Monte Young et Terry Riley à l'intonation juste. Et c'est exactement ce qu'il va faire aussi aux côtés de Don Cherry. Toujours d'ailleurs en Inde du Nord, les frères Dagar, qui sont extrêmement importants, vont jouer un rôle aussi dans la tradition du chant Jurap. Le percussionniste turc Okay Temiz va être aussi le personnage important avec lequel Don Cherry va travailler. Les musiciens, d'excellents musiciens sud-africains comme Johnny Dayani, avec lequel il va signer d'ailleurs, mais un peu après le disque dont je parle aujourd'hui, d'ailleurs un super disque. Même Penderecki. La musique contemporaine justement est quelque chose que va extrêmement bien embrasser Don Cherry. Aux côtés donc de la musique contemporaine européenne de Christophe Penderecki, et bien sûr, puisque le lien a tout fait d'être finalement acté, avec Terry Riley et la Monte Young. Voilà. Alors en plus, Terry Riley et la Monte Young, c'est des gens que Don Cherry va rencontrer extrêmement tôt, puisqu'il est, il grandit en Californie. Dès l'âge de 4 ans, il quitte l'Oklahoma où il est né pour grandir en Californie. Et petit aparté, là aussi, la Monte Young est un musicien de jazz, et pas du tout mauvais, qui va, en tout cas, c'est strict début, qui va justement croiser l'orchestre, notamment l'orchestre de... Alors c'est pareil, voilà. Le nom m'échappe, d'Eric Dolphy. Voilà. Donc c'est pas mal. Et bien sûr, c'est ces gens-là se côtoyaient à satiété. Donc il y a une proto-genèse qui touche à la fois à ce jazz extrêmement expérimental, en tout cas free, et peut-être même pas encore free dans le mot, mais qui l'est véritablement, et ces radicalités du minimalisme, voire de la drone musique, inspirée de la musique indienne, qui sont sur les mêmes rails à ce moment-là. Alors simplement, c'est très difficile d'avoir des... Il n'y a pas de concert, là, ça reste très très isolé. Il faudra attendre quelques courtes années pour que ceci s'institue, notamment... chez la Monte Young et dans sa fameuse The Dream House, qui va être un lieu finalement d'expression permanent pour la Monte Young et son entourage finalement. 1975, et là à New York, voilà comment va se faire ce disque, et voilà dans quel contexte va se faire ce disque Brown Rice. C'est très difficile, hein, quand on parle d'Don Cherry, d'éviter le name dropping. Le jazz est truffé comme ça de rencontres, de bâtardisation et de co-construction fabuleuse ou pas, d'ailleurs. Je reviens sur le personnel qui va faire ce disque. Ils ont tous leur importance autour de Don Cherry. Donc Charlie Haden, ce bassiste, un grand blanc, une énorme perche comme ça, avec des doigts très longs, contrebassiste, qui a accompagné Ornette Coleman dès ses débuts. Voilà. Billy Higgins, drummer, copain d'enfance, en fait, hein, rencontré en Californie par Don Cherry, qui lui aussi, effectivement, va être dans le combo d'Ornette Coleman. Voilà. Et un autre musicien important, alors lui, différent d'une autre, qui s'appelle Frank Lowe. Frank Lowe, c'est un petit nom du jazz, mais c'est un petit nom pas mauvais du tout. C'est quelqu'un qui a joué avec Sun Ra, c'est quelqu'un qui a joué avec Alice Coltrane. Voilà. Et puis d'autres musiciens qu'on identifie un peu moins, et pourtant ils sont vachement importants dans ce disque-là. Il y a notamment des vocaux africains qui sont ajoutés, des chœurs comme ça, des bongos, des percussions absolument incandescentes. Et Moki Cherry elle-même, qui va jouer de la tempura sur une track, notamment la deuxième track, qui s'appelle Mal Kons. C'est une référence évidente, hein, aux vieilles formes de raga indien. Et Moki, il tapisse des drones sur lesquels Charlie Haden va camper une mélopée de basse, une espèce de solo absolument fabuleux, avant que l'orchestre reprenne un petit peu le créneau, quoi. Le mot solo est presque énervant à citer pour une musique comme celle qu'on va entendre. Il n'y a pas chez Don Cherry et il n'y a pas chez les musiciens qui travaillent avec lui. Ce qui fait que le jazz peut irriter, c'est-à-dire cette démonstration technique, virtuose parfois, mais fatigante, quoi, qui finalement fait fi de l'émotion et qui se perd comme ça dans des convolutions démonstratives, mais qui lâche l'esprit, quoi. Et vous allez voir, dans l'exceptionnel solo, entre guillemets, de Charlie Adam, dont je parle, il y a une mélodie complètement transcendantale qui prend le dessus et qui flirte comme ça sur le tapis de drone qui est campé par Maury, quoi. C'est assez formidable. Mocky Cherry, elle est très importante dans la vie de Don Cherry. Alors évidemment, elle l'est, c'est sa femme, ils vont faire des enfants. Donc oui, mais dans sa vie artistique, beaucoup. Elle est sur la couverture du disque, on voit qu'elle, puisque c'est une réalisation d'un art sur tissu, de broderie, sur des tissus de soie qui campent la pochette de l'album. Et comme l'album est un gatefold, il s'ouvre en deux, il faut effectivement l'ouvrir complètement pour avoir conscience comme ça de l'identité graphique de l'ensemble. Et apparaissent sur ce visage comme ça de Bouddha extrêmement coloré avec des arrière-plans comme ça hyper psychédéliques, les titres qui sont gravés comme typographiés à même le tissu, donc les quatre titres qui composent l'album. Ils sont donc Brown Rice. Ça donne son album, titre éponyme, c'est le premier disque d'ouverture. Malcolm, je le décrivais un petit peu, Jen Resig et puis Deggy. À mon avis, le meilleur morceau de l'album. Mais comme c'est le dernier, j'y reviendrai. Voilà. À préciser aussi que c'est un des rares albums studio de Don Cherry. Don Cherry, c'était un voyageur permanent. Et la plupart des enregistrements qui sont laissés sous son nom sont des enregistrements live. Finalement, le studio, ça va qu'en deuxième mouture. Et vous allez voir que le travail de studio, ici, il est particulièrement fin. Voilà. Ben écoutez, j'ai hâte de vous livrer, comme ça, à l'écoute de ce disque, une vraie transe ouverte à tous les genres de l'époque, mais ça ne vous échappera pas, aussi ouverte aux expressions électroniques qui vont suivre. Il y a quelque chose de chrono-rock dans ce disque, notamment avec l'apport de synthé et de synthé basse qui préfigure des expressions de trance électronique absolument radicales. C'est totalement confondant, spécialement dans Brown Rice, le premier morceau, et le dernier, le conclusif, Deggy Deggy. Thank you. Thank you.

Thank you. We'll be right back. and Africa. petite volute électronique totalement extraterrestre hein, pour l'époque. Elle conclut cet album absolument incroyable donc de Don Cherry, Brown Rice, 1975. 4 titres, 3 chefs-d'œuvre absolus, et puis à mon avis, le quatrième qui est légèrement moins bien est quand même drôlement bien. Et la track la plus fascinante, en fait, et là c'est une subjectivité singulière forcément qui s'exprime quand je vous dis ça, c'est la dernière. Et elle est totalement incandescente de funkiness, quoi, avec cette bassline proto-techno, ils n'ont pas peur de le dire. C'est une TB-303 grouillée à l'extrême, une espèce de deep techno absolument fabuleuse et qui porte justement une expression qui, et là elle s'éloigne du jazz, c'est pour ça qu'elle est bien. C'est des chorus extrêmement envoyés comme ça, avec ce dialogue mais qui n'a rien de démonstratif entre Frank Lowe au saxophone et puis ces attaques comme ça absolument superbes, un peu rugueuses mais complètement mystiques aussi, de Don Cherry à la trompette. Ce disque a été bien, mais pas très bien reçu à sa sortie. On sait comme le jazz peut être traditionnel, en fait. En tout cas orthodoxe, par des garants comme ça de l'orthodoxie qui n'ont pas plus accueilli cette espèce de fusion proto-world de Don Cherry qu'il avait finalement accueilli à leur prime au début, les radicalités free jazz d'Ornette Coleman, on en parlait, ou d'Albert Heller. Donc, C'est effectivement, bon, il y a ce décalage. Il y a l'un des très rares journaux internationaux, c'est un journal anglais, enfin américain, qui s'appelait Cadence, qui était le Independent Journal of Creative Improvised Music, a fait un article assez dithyrambique en 1976, quelques mois après la sortie du disque, et c'était les débuts du magazine en fait, c'était probablement son premier numéro. En disant finalement tout le bien qu'il pensait de cet album, mais en disant que le dernier morceau, Dégui, qu'on vient d'entendre, et que moi je revendique comme étant le meilleur, à cause de cette préfiguration du bassline, notamment, lui est présenté comme un peu longuet et en dessous du reste. Bon, de fait, c'est le titre le plus court de l'album, mais effectivement, il n'y a pas de solo, il n'y a pas « Regardez, c'est moi qui joue ». La toute beauté de Don Cherry, et ça, c'est pas seulement sur cet album, c'est sur sa carrière entière, c'est que justement, il est jamais à dire « Look at me, c'est moi. Regardez, c'est moi qui joue. » Ajouter à ça un esprit d'ouverture, une volonté de pas être assigné à un strict genre, et on comprend que finalement, il est pas très bien identifié. Du coup, il s'impose nulle part, Don Cherry. Mais il plane partout. C'est un ange bienveillant. On a tôt fait de comparer Don Cherry avec Miles Davis. Bon, alors, c'est deux choses pas comparables, surtout que c'est quand même le poids lourd absolu. Et voilà, donc Miles Davis, c'est une espèce de taureau comme ça qui embrasse par ses deux cornes le jazz entier. Là où, Don Cherry, c'est l'ange bienveillant qui plane très au-dessus de ça. En même temps, c'est une comparaison presque inévitable. Tous les jeux jouent de la trompette. Et bien sûr, il faut rappeler quand même que Miles Davis est à l'origine d'un esprit de fusion qui va caractériser la plupart du jazz des années 70. Mais finalement, là où la musique de Miles Davis est extrêmement assemblée, elle doit énormément au studio, à la production, et beaucoup, beaucoup à la post-production de Théo Macero. Hein. C'est quelqu'un qui... c'est un King Tubby du jazz, en fait. C'est quelqu'un qui va assembler les bandes, gérer toutes les sessions d'enregistrement. Miles n'est pas toujours là quand les musiciens et ses lieutenants, aussi fameux soient-ils, hein, Herbie Hancock, Joe Zawinul, Chick Corea, il n'est pas longué comme ça. Hein. C'est Théo Macero qui fait tourner les bandes, et après, il met ça en boîte. Voilà. Donc c'est l'opposé d'une musique généreuse comme celle qui est générée collectivement et dans un esprit de transe et de rituel assumé comme le fait Don Cherry. Alors non, il ne s'agit pas de les opposer. Et puis les deux musiciens se respectaient assurément. Bon, l'un a eu une aura médiatique, l'un était la première rock star du jazz. Et peut-être la dernière d'ailleurs. Hein. Bah, c'est évidemment. Chez Don Cherry, c'est tout autre chose. Et pourtant, c'est cet art d'être partout et nulle part à la fois, c'est aussi à proprement unique. Hein. Le disque Brown Rice a été réédité plusieurs fois. Et la toute dernière, la récente, c'est de 2019. Ce qui valait du coup aux colonnes de Pitchfork de s'intéresser de très près à l'album et d'en faire une magnifique chronique d'ailleurs. Et en posant le disque finalement à la place essentielle qui l'occupe et que je voulais vous montrer aujourd'hui. Le malheur veut que le disque soit pratiquement jamais réédité avec sa pochette d'origine. Alors j'y reviens parce que je décrivais cette pochette. D'abord, elle est la création de Moki Sherry, la femme, l'épouse de Don Cherry qu'il va rencontrer en Suède dans les années 60. Et avec qui il aura un enfant, ils vont vivre ensemble jusqu'à la fin des années 70. Elle est toute en pictographie puisque c'est une artiste sur de tissu. Elle est styliste en fait. Voilà, donc elle crée les costumes de scène et elle crée ses coussins, ses tissus brodés. On est dans les humeurs très très colorées, hein, post-psychédéliques, un peu baba cool aussi, un peu peinture sur soie, mais enfin avec pas mal de brio. Que fait Moki? Et ce qui est très intéressant, c'est que tout y apparaît, les titres Deggy, Don Cherry, le Organic Music Society, Organic Music Theater, en fait. Ça, c'est très intéressant. Et tout ça, c'est la personnalité de Moki qui imprègne durablement, en fait, le travail de Don Cherry. Elle va initier Don Cherry au bouddhisme tantrique. Et c'est de là, tout début 70, qu'il va commencer à étudier la musique tibétaine et la musique indienne. Vous avez tout à fait entendu à quel point elle était présente dans cet album, si vous voulez. Et a fortiori plus encore, d'ailleurs, dans cette reprise d'un raga rituel qui fait le deuxième morceau du titre, hein, avec cette superbe basse, je la décrivais tout à l'heure, mais vous l'avez entendu, de Charlie Alden, donc sur le morceau Balkans. Voilà. Il y a que des démons dans ce disque, comme dans tous les disques de jazz. Alors là, le démon, il a un nom, c'est l'héroïne. Et Don Cherry va y laisser des plumes. Il laissera même son mariage, en fait, à la toute fin des années 70. Dans les années 80, Moki s'en va, enfin 79 ou 80, et à cause de ça. Il se trouve que Frank Lowe, qui est un musicien important dans ce disque-là, c'est le saxophoniste. Et c'est un musicien qui a joué avec Sun Ra et Alice Coltrane, entre autres. C'est aussi le dealer du coin. Enfin, bon, c'est un toxicomane qui, pour payer sa dose, vend en copain. Quoi. C'est le schéma tellement classique. Et à ce moment-là, Don Cherry, le theater, l'organic music theater, alors notez le petit clin d'œil d'ailleurs à la Monte Young, et puis son theater of eternal music, l'organic music theater, donc créé par Moki et Don Cherry, est basé à Long Island, New York. Et bien sûr, tout le monde passe autour, y compris la drogue. Et donc Frank Lowe est le dealer, et voilà, et Don Cherry a du mal à dire non. Voilà. Ils ont comme voisin direct, ils sont mis dans un loft, et leur voisin de palier, en tout cas voisin de loft, c'est à Long Island, hein, ça coûte pas rond d'être à Long Island dans les années 70, même downtown New York est peu cher, mais Long Island encore moins. Ils ont comme voisin un couple très sympa, et puis alors pour eux, ils sont pas toxicaux du tout, ils sont sérieux, c'est Tina Weymouth et Chris Rantz. Autrement dit, Tina Weymouth, Chris Rantz, c'est l'assise rythmique des Talking Heads, hein, la basse de Tina Weymouth, on peut pas l'oublier, et la batterie de Chris Rantz non plus. Voilà, et les Talking Heads sont là et ils commencent déjà à jouer, quoi. Oh, diable, on se prend à imaginer, à rêver de Don Cherry en guest artiste sur Remain in Light, hein, pour citer le disque comme ça le plus important, le plus iconique des Talking Heads. Et il se trouve celui qui a fait appel, un peu exactement comme le campait Don Cherry à sa manière dans les années 70, à une espèce de fusion comme ça, totale, de rythme caribéen et d'influences multiples, quoi. Ah, quel dommage que ce n'ait pas eu lieu. Et pourtant, Don Cherry ne va pas s'arrêter là. Hein. Il va justement profiter des fusions, pas mal. Il y a un disque notamment, il est très en dessous, mais il mérite d'être signalé, qui s'appelle Homeboy, qui est fait en 1985. C'est un disque qui est produit et beaucoup écrit par Ramucho Mata. Et il joue beaucoup de ce croisement avec des rythmes hip-hop, avec ses humeurs un petit peu, un peu funky new-yorkaises du moment. Hein. Voilà. quand même le disque a été essentiellement d'ailleurs, et pour la totale, réalisé à Paris. Don Cherry y résidait souvent. Et notre collaboration extrêmement notoire, et celle-ci, elle est forcément touchante, puisque c'est avec Néné Cherry, que Don Cherry va convoler, juste d'ailleurs, comme invité, sur un morceau du deuxième album de Rip Rig and Panic. Rip Rig and Panic, c'est un groupe essentiel hein, dans la musique, le post-punk anglais. Et la chanteuse, l'une des chanteuses de Rip Rig and Panic, ce sera Néné Cherry. Et c'est à partir de ce groupe-là, d'ailleurs, qu'elle va s'émanciper et se faire connaître après. Je vous promets de garder Rip Rig and Panic sous le coude et vous faire une écoute probablement du premier album de Rip Rig and Panic. Là aussi, on est dans quelque chose de très culte et très intéressant. Et évidemment, croiser Don Cherry, le temps d'un morceau, ça semblait presque une évidence et elle est entièrement réussie. Voilà. Je regrettais et je regrette encore une certaine désolation biographique sur la vie de Don Cherry. Bon, ben, j'espère que c'est une désolation provisoire, puisque Jacqueline Coe, dont je narrais le témoignage tout à l'heure, totalement touchant, me disait que le texte que je vous lisais devrait être publié probablement, dans une biographie qu'écrit Nicolas Philly. Ce sera aux éditions de Les Mots et le Reste. Nicolas Philly a déjà écrit sur John Coltrane très récemment, je crois, justement pour Les Mots et le Reste. Donc on peut s'attendre, courant 2021, et j'espère pas trop tard, à une biographie, enfin, un petit peu circonstancière. Et circonstancielle sur Don Cherry. Allez, on va s'évader avec un petit morceau de sortie. Belle sortie, vous allez voir, c'est exactement la même année que la parution de Brown Rice, donc 1975. Et au tout début de cette année-là, je vous disais, Don Cherry, c'est un voyageur constant et surtout, il croise les sensibilités les plus belles, parfois opposées aux siennes. Mais comme Don Cherry fait feu de tout bois et est ouvert à tous les métissages, et en général, c'est en tirer finalement quelque chose d'assez fabuleux, vous allez voir que cette rencontre-là, elle est waouh. C'est juste Don Cherry avec Terry Riley. Et ça sonne exactement comme on peut s'y attendre. Très longue track de 20 minutes, dont on va écouter finalement que la moitié pour s'évader pas à pas de cette édition de Cargo Culte du jour. C'est un concert qui était enregistré le 23 février à Cologne. Édition rare à l'époque, mais qui a été rééditée et que vous pourrez trouver facilement. Voilà, une espèce de mariage parfait, ou en tout cas pas loin, entre le minimalisme et le jazz mystique le plus échevelé par Don Cherry et Terry Riley. Merci de votre écoute et je vous retrouve la semaine prochaine. Évidemment, ce sera un Cargo Culte d'une heure, donc autant dire très court. Alors soit je parle peu, soit je trouve un disque très court. Devinez ce que je ferai. Allez, à la semaine prochaine. Thank you. Thank you.